Ézéchiel chapitre 21. La parole de l'Éternel me fut encore adressée, en disant, Fils d'homme, tourne ta face vers le chemin de Téman, et fais découler ta parole vers le midi, et prophétise contre la forêt du champ du midi. Et dis à la forêt du midi, écoute la parole de l'Éternel, ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, voici, je m'en vais allumer au-dedans de toi un feu qui consumera tout bois vert et tout bois sec au-dedans de toi, la flamme de l'embrasement ne s'éteindra point, et tout le dessus en sera brûlé, depuis le midi jusqu'au septentrion. Et toute chair verra que moi, l'Éternel, j'y ai allumé le feu, et il ne s'éteindra point. Et je dis, ah, ah! Seigneur Éternel, ils disent de moi, n'est-il pas vrai que celui-ci ne fait, que mettre en avant des similitudes? Et la parole de l'Éternel me fut adressée, en disant, Fils d'homme, tourne ta face vers Jérusalem, et fais découler ta parole vers les saints lieux, et prophétise contre la terre d'Israël. Et dis à la terre d'Israël, ainsi a dit l'Éternel, voici, j'en veux à toi, et je tirerai mon épée de son fourreau, et je retrancherai du milieu de toi le juste et le méchant. Parce que je retrancherai du milieu de toi le juste et le méchant, à cause de cela mon épée sortira de son fourreau contre toute chair, depuis le midi jusqu'au septentrion. Et toute chair saura que moi, l'Éternel, j'aurai tiré mon épée de son fourreau, et elle n'y retournera plus. Aussi toi, fils d'homme, gémis en te rompant les reins de douleur, et soupir avec amertume en leur présence. Et quand ils te diront, pourquoi gémis-tu, alors tu répondras, c'est à cause du bruit, car il vient, et tout cœur se fondra, et toutes les mains deviendront lâches, et tout esprit sera étourdi, et tous les genoux se fondront en eau. Voici, il vient, et il sera accompli, dit le Seigneur, l'Éternel. Puis la parole de l'Éternel me fut adressée, en disant, Fils d'homme, prophétise, et dis, ainsi a dit l'Éternel, dit, l'épée a été aiguisée, et elle est aussi fourbie. Elle a été aiguisée pour faire un grand carnage, elle a été fourbie afin qu'elle brille, nous réjouirons-nous? C'est la verge de mon fils, elle dédaigne tout bois. Et l'Éternel l'a donnée à fourbir, afin qu'on la tienne à la main, l'épée a été aiguisée, et elle a été fourbie pour la mettre en la main du destructeur. Crie et hurle, fils d'homme, car elle est contre mon peuple, elle est contre tous les principaux d'Israël, les frayeurs de l'épée seront sur mon peuple, c'est pourquoi frappe sur ta cuisse. Quand ce serait une épreuve, et que serait-ce? Si même cette épée qui dédaigne tout bois, était une verge, il n'en serait rien, dit le Seigneur, l'Éternel. Toi donc, fils d'homme, prophétise, et frappe d'une main contre l'autre, et que l'épée soit redoublée pour la troisième fois, l'épée des tués et l'épée contre les grands qui seront tués, passant jusqu'à eux dans leur cabinet. J'ai mis à toutes leurs portes l'épée luisante, afin que le cœur se fonde, et que les ruines soient multipliées. Ah, elle est faite pour briller, et réservée pour tuer. Joins-toi, épée, frappe à la droite, avance-toi, frappe à la gauche, à quelque côté que tu te rencontres. Je frapperai aussi d'une main contre l'autre, et je satisferai ma colère. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Et la parole de l'Éternel me fut adressée, en disant, et toi, fils d'homme, propose-toi deux chemins par où l'épée du roi de Babylone pourrait venir, et que les deux chemins sortent d'un même pays, et les choisis-les à l'endroit où commence le chemin de la ville de Babylone. Tu te proposeras le chemin par lequel l'épée doit venir contre Rabba des enfants de Hammon, et le chemin qui va en Judée, et à Jérusalem, ville forte. Car le roi de Babylone s'est arrêté dans un chemin fourchu, au commencement de deux chemins, pour consulter les devins, il a poli les flèches, il a interrogé les théraphimes, il a regardé au foie. Dans sa main droite est la divination contre Jérusalem, pour y disposer les béliers, pour publier la tuerie, pour crier l'alarme à haute voix, pour ranger les béliers contre les portes, pour dresser des terrasses, et bâtir des forts. Mais cela sera comme qui devinerait faussement en leur présence, il y a de grands serments entre eux, mais il va rappeler le souvenir de leur iniquité, afin qu'on y soit surpris. C'est pourquoi, ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, parce que vous avez fait revenir le souvenir de votre iniquité, lorsque vos crimes se sont découverts, tellement que vos péchés se voient dans toutes vos actions, parce, dis-je, que vous avez fait qu'on se souvienne de vous, vous serez surpris avec la main. Et toi, profané méchant prince d'Israël, duquel le jour est venu au temps de l'iniquité, ce qui fera sa fin. Ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, qu'on ôte cette tiare, et qu'on enlève cette couronne, ce ne sera plus celle-ci, j'élèverai ce qui est bas, et j'abaisserai ce qui est haut. Je la mettrai à la renverse, à la renverse, à la renverse, et elle ne sera plus, jusqu'à ce que vienne celui auquel appartient le gouvernement, et je le lui donnerai. Et toi, fils d'homme, prophétise, et dis, ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, touchant les enfants de l'Amon, et touchant leur opprobre, dites donc, épée, épée dégainée, fourbi pour faire la tuerie, pour consumer avec son éclat. Pendant qu'on voit pour toi des visions de vanité, et qu'on devine pour toi le mensonge, afin qu'on te mette sur le cou des méchants qui sont mis à mort, desquels le jour est venu au temps de l'iniquité, ce qui fera sa fin. La remettrait-on dans son fourreau? Je te jugerai sur le lieu auquel tu as été créé, au pays de ton extraction. Je répandrai mon indignation sur toi, j'allumerai sur toi le feu de ma fureur, et je te livrerai entre les mains d'hommes brutaux, et forgeurs de destruction. Tu seras destiné au feu pour être dévoré, ton sang sera au milieu de la terre, on ne se souviendra plus de toi, car c'est moi, l'Éternel, qui ai parlé.